C'est Julien Doré. Entendre l'hiver. Mais j'ai pas la bonne batterie. Non, non, non, non, non. Bonne batterie, c'est Julien Doré. Ouais. Oula, je sais pas si c'est pas du tout le répertoire de Milos. Salut Bill. C'est pas du tout son répertoire. C'est pour ça que je m'étais mis tout seul dans un coin pour pas casser les couilles. Pourquoi ça passe pas?